Rosin. Sarah Mudaf, Rose Mudaf Ilay. Non, Sarah Rosin. أسألك عن كلمة ما معناها حول يحول transformer aussi non j'ai vu que des fois tu disais نعم جيدا قسم service الباطنية المستشفى وعليكم السلام مكث يمكث عرج يعالج نعم الكلمة أخرى معروفة C'est rester, mais ils sont bloqués aussi. C'est, par exemple, si je dis à quelqu'un, hein, je l'ai bloqué. Là. Non, c'est pas comme ça quand je dis. Là. Allez, quel est le Okhara ? Il y avait que ça pour aujourd'hui, là ? Non, pour les kalimètres. Là, il y avait aussi. Il y a Tassilo Ibrahim, Bilisraf. On avait dit, il fallait mettre le signe. Le Kaza ? Ouais, les exercices. Ah, oui. الجملة الأولى أقرأ الأصل للمحفظ نعم شعر عمر بالحمى بالحمى لم يشعر عمر لا لم يشعر من لم يشعر من عمارة عمارة نعم لماذا الفتحة c'est quoi le mot qui prend la fatha Ah là, tu l'as déjà fait là. Hein? Tu l'as déjà fait là, en disant Sha'ala Omara. Ouais, mais. Bah, je veux que tu m'expliques pourquoi t'as mis une fatra. Moi, j'ai mis une fatra parce que pour moi, c'est celui qui subit l'action. Tu vois. Pour moi, c'est celui-là qui subit. C'est Omar qui. Qui subit l'action qui, ouais, qui n'a pas été. Tu vois. Qui c'est a été. Sha'ala. Sha'ala. Qui ressent, voilà. Pour moi, c'est lui qui ressent donc. Et donc, celui qui ressent, comment on l'appelle La folle B. La folle B ouais. Là. C'est pas le COD là, c'est pas celui qui subit l'action. En français, quand on dit Omar ressent de douleur, Omar c'est à quoi hein Omar c'est le sujet. Bah alors, elle est la différence là Je sais pas, il y en a peut-être. Il n'y en a aucune. Omar il est fait à elle là. Non. Là il est dans la phrase pour lui. Pourquoi t'as mis une fatha toi T'as pas changé Omar ou Humma, t'as juste à changer. Mettre l'em et la fin du verbe, mettre une soukoun, c'est tout. Le reste ça reste comme il est. La phrase c'est la même. Non. C'est juste le temps qui change. Mm-hmm. Ok. Faut regarder, mais. Non. Faut regarder, mais il faut comprendre. C'est pas juste naql. Une phrase à une phrase. Faut comprendre pourquoi, par exemple là, Omar, pourquoi dans une phrase il va avoir une fatha. Il n'aura pas de fatha à chaque fois, Omar. Mm-hmm. Omar il peut avoir une fatha, il peut avoir une dhamma. Mm-hmm. Vas-y, arrête le jumelin. Aïd Je recommence sur la phrase. Naam. Lam yash'ur Omaru bil humma. Naam. Je me fais un Ittasal Ali bil Isaaf. Lam yattasil Ali bil Isaaf. Falifan. Hawala tabibu Omara ila al-mustashfa.

Natija, c'est résultat. Natija, résultat. Malaria, Marbouf, c'est la malaria. Et malaria, c'est la malaria. Dawaun, c'est médicament, remède. Dawa, médicament ou remède. Habba, ça a plusieurs sens, c'est là ce qu'ils veulent dire par là, c'est une pilule. Un cachet. Oh, c'est un cachet. Naam. Ça peut, aussi des graines, ça peut être des graines, ça peut être des boutons. Des moutons aussi. Boutons. Alors, t'as un bouton, t'as un habba. T'as un bouton. Je parle pas des boutons de vêtements, des boutons de, des boutons sur le corps. Marra, ça veut dire fois. Comme ça, maratun ukhra, une autre fois. Et maratun, c'est fois. Mais pas fois le kabid. C'est pas le fois la partie du corps. C'est pas la khatir, ça va. Hein? C'est pas une khatir. Le noir, hein? Non, celle qui est khatir, c'est la petite noire. Hukna. Hukna, c'est une injection. Par piqûre. Ou hukun, c'est le jam. Hukna, c'est une injection. Ou hukun, c'est plusieurs injections. C'est le jam. Adaloun, muscle. Adaloun, c'est un muscle. J'ai pas compris. Muscle. Muscle. Naam. Zahara yazharu, fait apparaître. Zahara yazharu, c'est apparaître. Et dans le texte, comment il l'emploie? Ouais, non, c'est ça. Istermala yastermilo, c'est utilisé. Employé. Utiliser, employer quelque chose. Un instrument de qalam, utilise un stylo. Salam. Safha, c'est une page. Safha, c'est une page. Et dans les tarbiyarat, le tarakib et le nahouya, comme d'hab, inchallah, on a dit qu'on on les traite pas, juste ils apparaissent directement dans le texte. Le tarbiyarat, l'expression, shafak Allah, et ça c'est ma'alouf, c'est un dua qui veut dire qu'Allah te guérisse. Tu peux dire aussi Allah yashfik, on apprend le mot d'Allah. Shafa yashfi, ça c'est un verbe qui veut dire guérir. Donc là c'est shafak Allah, qu'Allah te guérisse. Et comme c'est connu souvent, Dua, il vient avec une forme passive. C'est Hadak Allah Kalad Gid. Et pourtant, dans le Dua, c'est un verbe au mardi. Tu peux dire aussi Al-Hadig. Tu peux aussi l'envoyer. Le Dua, il vient comme ça, cette forme-là, souvent. Au mardi ou au Moudoua Aliyah. Toyib. Madame Afoum. عندنا عثمان وعمر أنتم تزيدون السلام لأن هؤلاء الله مستعان كلا أدب

Donc là, c'est, on va dire, c'est plus subtil, tu vois, c'est plus précis. Mais si ils écoutent à l'amilta bar de l'tahalil, maintenant, ma forme, inshallah. Sans se les compris. طيب اولا استمع وردد maintenant من يذكرنا كيف يكون كيف يكون المثنى le duel كيف تفعل الذي يدل على شيئين كيف تفعل تزيد الالف والنون نعم تزيد الالف والنون مثلا قلم واحد قلمان اثنان طيب يكون دي قلمان مثلاً قلماني avec le alif et le nun c'est quand il est marfou il est marfou on met alif il n'y a pas de dhamma il n'y a pas de dhamma à ce moment-là aramat rafi il y a l'alif son signe de raf c'est le alif alors maintenant quand il est mansoub ou majrour comment il est comme ça va pas être maintenant avec un ya c'est plus مثلاً, tu vas plus dire ishtaraytu qalamani là tu vas dire ishtaraytu qalamayni. Tu vas dire qalamayni. Et là, ça veut dire qu'il est mansoub. Et quand il est majrour avec harf jar, il est pareil. Tu vas dire, il a la même apparence. Mais tu vas dire la différence entre les deux par rapport à ce qu'il y a dedans. Si c'est harf jar, tu sais qu'il est majrour. Si c'est un truc qui est en mansoub, tu sais qu'il est mansoub. Ça, c'est un truc qui est apparent. Mathalan yaqul yatanawalu omaru habbatayni. Tu vas dire que Omar prend deux cachets. La habbatayn, c'est quoi? Mafoum bihi. Mafoum bihi, il est mansoub. Il a comme ça moufanna, qui prouve quelque chose, on met un ya. Une fatha devant, une kasra sur le nun. Habbatayni. À la base, c'est habbatayni, quand il est marfou, et mansoub, c'est habbatayni. Fanyen. Yujri Omar Tahilayni, que Omar a fait deux analyses. À la base, Tahilani, et là il est mansoub, donc c'est Tahilayni. Yakhuzu Omaru Huknatayni, que Omar prend deux injections. À la base, Huknatayni, et là c'est devenu mansoub, donc on dit Huknatayni. Rabi'an Yamkuzu Omar Yomayni. À la base, c'est Yomani, et là, comme il est mansoub, il n'est plus mansoub parce qu'il est mafoulbi. Là, c'est pas un mafoulbi dans cette phrase-là. Ça, c'est un vaf zemen. C'est un mot qui définit le temps. Et lui aussi, il est mansoub. C'est un mot, c'est un vaf zemen, une contenance de temps, et là, il est mansoub. Mais tout ce qui est mansoub, c'est les mêmes trucs, les mêmes signes qu'ils ont. C'est juste après. Comment on l'appelle? On peut l'appeler maful bihi, on peut l'appeler vaf meken, on peut l'appeler maful ma'ahu, on peut l'appeler maful yajli quand ça va venir plus tard. Mais tout ce qui est mansoub, ça a les mêmes signes. Ça a les mêmes signes. Après, tu arrives à la différencier avec les définitions, les conditions et le sens de la phrase. Tu arriveras, Inch'Allah, à distinguer les uns des autres. Bismillah. Khamisan, yashtari omaru kitabayni. Omar achète deux livres. Alors, c'est Kitabani, là, le monsoum mafoubihi, Kitabani. Yakra'u, Omaru, Safhataini. Omar lit deux pages. Yaktubu, Omaru, Risalataini. Omar écrit deux lettres. Fanien, Akmil, Kemafid Namouzaj. Dans le Namouzaj, ils disent Yatana Walu Omar, Hikmet, Habba, un cachet. Ils veulent que tu le mettes au Moussanna. Ils veulent que tu le mettes au Moussanna. Donc ça va revenir comme on vient de le lire à l'instant. Vous voyez? Ça va venir comme on vient de le lire à l'instant. Donc ça. أحسنت طيب ثالثا maintenant il va vous l'apprendre quand il est marfou ce moussanna il va vous l'apprendre quand il est marfou chose qui aurait été plus logique pour lui de débuter. Parce que le marfou, à la base, il vient en priorité avant le morceau. Donc tous les côtés de Nahou, vous allez voir ou quoi, tout ce qui se rapporte au raf, il est toujours en premier. Parce que tu n'auras pas une phrase. Il n'y a pas une phrase en langue arabe sans qu'il y ait la présence d'un ismarfou. Tout est un ismarfou. Soit il est mokaddar, sous-entendu, ou enlevé, en tout cas il y en a un. Alors que mansoub, tu n'es pas obligé de le trouver. Tu n'es pas obligé de trouver un ismansoub dans les phrases. Par exemple, Mohamedun Qa'imun, Mohamed debout. Mubtada, Khabar. Les deux sont marfou. Si tu veux une phrase où il y a un verbe dedans, tout verbe a un sujet. Et le sujet, comment il est? Marfou. Mais est-ce que toute phrase a marfou bihi? Là. Jalasa Mohamedun. C'est pas marfou bihi. Là, on a un verbe et un sujet. Donc le is marfou, tu es obligé de trouver. Dans toutes les phrases, le marfou, il est présent. Il est indispensable. Un mansoub, non. Tu peux t'en passer. Au moment, il y a des phrases, tu es obligé de l'avoir, mais je veux dire, tu n'as pas une phrase, c'est pas l'azim que tu es obligé de mettre un is mansoub dans chaque phrase. Alors que le marfou, tu es obligé de le mettre, tu es obligé d'en trouver un. Il n'y a pas une phrase, une jumla mufida, il est wafiha, ismun marfou, ou isman ou akhtar. Et au moins, il y a au moins un seul. Donc maintenant, il va vous faire ce mufanna marfou. Et quand le moussanna est marfou, c'est tout simplement alamat rafi, c'est le alif. Ce signe de raf, c'est le alif. Et là, il y a qu'il istami' wa raddid. Awalan, ma' mahmoudin kitabani. La kitabani, il est quoi? En fait, c'est un mubtada, mu'akhar. Et ma' mahmoud, c'est le khabar. À la base, l'origine c'est kitabani ma' mahmoud. Vous voyez? Mais en général, en langue arabe, quand le mutada est le nakira, indéfini, on met à la fin. Si son khabar c'est un jar ou majrour ou un zorf comme là, on met à la fin, en général. Donc en fait, c'est il y a avec Mahmoud deux livres. Mm. T'as même? Mais le khabar c'est Mahmoud là? C'est Ma' Mahmoud. Ma' Mahmoud. Thaniyan, ma' Mahmoudin haqibatani. Donc il y a deux valises avec Mahmoud. Haqibatani, là ça vous paraît, c'est mutada mu'akhar. Et les marfou, qu'est-ce qu'il éprouve? Le alif. Thalithan, ma' Mahmoudin qolamani. Donc il y a deux stylos avec Mahmoud. Et qolaman, là c'est lui le mutada mu'akhar. Alamat rafihi, al-alif. Rabi'an, ma' Mahmoudin daftarani. Il y a deux cahiers avec Mahmoud. Ma Mahmoudin Kurasa Tani. Kurasa, c'est un daftar. Sawa, d'akriban. C'est un daftar, un petit bloc, un petit carnet. Donc il y a deux carnets de notes avec Mahmoud. Sadisan, ma Mahmoudin Rialani. Donc Mahmoud, voyez, a deux riels, en fait. Les phrases, on peut les mettre de différentes façons. On peut dire avec lui, où il a, c'est à peu près pareil. Vous voyez, c'est à peu près pareil. طيب رابعا اكمل كما في النموذج. النموذج مع محمود ensuite فراغ un trou ثم يمت le montre parenthèse بين قوسين il faut que tu le mettes يعني مثنى مرفوع comme on le fait à l'instant. وهذا كذلكما لغد. C'est facile. خامسا املا الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمات المناسبة مما يلي. Donc il faut remplir les trous avec les mots qui correspondent. On va le faire ensemble, celui-là. أولا يقول معي تشوط الحكيبتين وحكيبتين أيهما يقدم حكيبتين نعم حكيبتين مبتدأ مؤخر. ثانيا تسلمت الآن رسالتين أو رسالتين رسالتين أحسنت لأنهما فول به الآن رسيدو لتر. ثالثا اشتريت كتابين او كتابين نعم جاشت دو ليفر رابعا مع ابراهيم ريالان او ريالين ريالان نعم ابراهيم دو ريال خامسا تناول المريض حبتان او حبتين حبتين نعم لمالاد الجبي دو كاشي ثالثا معنى دفتران او دفترين نعم nous avons deux cahiers احسنت هذا مبتدا مؤخر لما فهم معنا نحن معنا دفتران nous avons deux cahiers en fait معك دفتران معه دفتران معها دفتران معنا دفتران طيب ثالثا من يبي يفعل كوا المفعول به المفرد tout seul منصوب avec la fatha celui d'origine استمع وردد تناول محمود حبة ici je t'arrête tu dis حبة طيب في الوقف quand tu t'arrêtes dans une phrase chez Zahab il mettait le moufsakin à la fin c'est pour ce n'est pas la haraka des fois tu peux le faire la baisse mais l'origine c'est que tu ne prononces pas c'est pas haram طيب c'est pas bid'a non plus c'est juste que c'est pas dans leur coutume Et c'est leur langue, donc ils ne sont plus connaisseurs. Fanyen, Wajada Mahmoudun Kurrasatan. Et dans le waqf, Kurrasa. Vous voyez, Mahmoud a trouvé un carnet. Ouais, il est avec le djem. Et là, il faut faire comprendre un autre signe de Nasb. Avec le djem ou Anas Salim. C'était hier, je m'ai demandé ou avant-hier. Je ne sais pas c'était quelle phrase. Il y avait un mot qui était maful bi, il y avait une kasra. Je ne sais plus c'était quel mot, je vais demander toi. Et je dis ça va venir. C'est pas là dans. C'était pas dans le ders. Maintenant tu auras la réponse. Que le al-jam, al-jam al-mu'anath al-salim, aramat nasbihi al-kasra. Son signe de nasb, c'est la kasra. C'est pas la fatha. Tout ce qui est jam mu'anath salim, kasra. Il n'y a pas par exemple Raitu Muslimatan avec genre le tanwin, il n'y a pas. Ou Raitu Muslimata. Il n'y a pas. C'est Raitu Muslimatin ou Raitu Muslimati. Kasra. Quand c'est Moussouf, c'est Kasra Mutlaqan. Jemonef Salim. Celui qui a alif et un ajouté à la fin. Donc maintenant, comme il a dit Brahman, en dessous, les phrases qu'on vient de voir là. Maintenant, il faut tourner en quoi ? En pluriel. Il dit Tanawala Mahmoudun Habbatin. Que Mahmoud a pris des cachets. Wajada Mahmoudun Kurassatin. Que Mahmoud a trouvé des carnets, des cahiers. Donc le djem de Habba, Habbat. Et le djem de Kurassa, Kurassat. Kataba Mahmoudun Safhatan. Écoute, t'arrêtes, en vrai, Safha. رابعا اشترى محمود زجاجة وعند الوقف زجاجة oui vous dire bouteille par la bouteille en verre زجاجة la base زجاجة tout ça c'est du verre mais des fois ça peut aussi être une bouteille en verre c'est deux pluriels c'est pareil c'est un autre pluriel c'est un mot peut avoir plusieurs pluriels Donc en djem, Kataba Mahmoudun Safahatin, que Mahmoud a écrit des pages. Ishtara Mahmoudun Zujajatin, que Mahmoud a acheté des bouteilles en verre. Naam. Sabi'an, maintenant il va vous faire appliquer. Al-Tadbiq. Al-An, dia waqt, al-Tadbiq. سابعا حول كما في النموذج حول كما في النموذج donc transforme comme exemple il dit يتناولوا المريض حبة, que le malade prend un cachet. Maintenant, on fait tourner en jam, le mafoul bihi, on le met en jam. Maintenant, ça va être quoi? يتناولوا المريض حبات, طيب, حبات بالكثرة. Donc toutes les phrases là, on va se nous jammer, on va les mettre en jam. أولا يقرأ الطالب صفحة, l'étudiant lit une page. Qu'est-ce que tu as dit بالجام? يقرأ الطالب صفحات. الحركة صفحاتين. نعم, كم مثل الحركة؟ يقرأ الطالب صفحاتين. صفحاتين. Là justement, lui, tu vas mettre une fatha sur le fa. Il change un petit peu celui-là. Safahatin. C'est pas safahatin, c'est safahatin. Naam. Lui c'est spécial, tu vois, c'est pas tous qui font ça. Thanien, ta'khudhu at-talibatu waraqatan. L'étudiante prend une feuille. Qu'est-ce que tu as dit? Ta'khudhu at-talibatu. ورقة. ورقات. نعم. ثالثا يمسح إبراهيم سبورة. إبراهيم يفصل تابلو. يمسح إبراهيم سبورات. نعم. رابعا يشاهد محمد سيارة. محمد contemple une voiture. Regarde une voiture. يشاهد محمد سيارات. نعم. خامسا اشترى سليم كراسة. سليم اشترى كعني. اشترى سليم كراسة. سادسا يسكن الطلبة حجرة. طلبة سكوا عندك الطلبة. أيوة. أحسنت. Donc les étudiants habite dans une pièce, une chambre. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a pas de mal. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Donc là, il faut remplir les trous avec les mots suivants. Il y a chafak Allah, qu'Allah te guérisse. Al-Adol, le muscle. Natija, résultat. Zoharot, apparaître. Al-Jumad, il y a. Akhaza Omaru, Farah, Al-Tahlil, wa Zahaba, et le Tabib. Donc Omar a pris le mois maître d'examen et est parti chez le médecin. Fanien, Qal al-Tabib, li Omar, Farah, Indaka, Marariya, Fiddem. Donc le Tabib a dit à Omar quelque chose dans ton sang, la malaria. ثالثا قرر الطبيب لعمر حقنة في فراغ كل يوم. Donc le tabib, le médecin a prescrit à Omar une injection dans chaque jour. رابعا قال الطبيب لعمر, et que le médecin dit à Omar, فراغ, et toi tu mets le truc qui se convient. Voyez. Donc l'Iqra, on prend maintenant ou ça fait grosse tête? Hein? Moi, c'est pas, là, là, c'est pas en amchi ou le reste, après c'est pour le traîner. Hein? Yakshik? Taïeb, c'est un kifuna. Bissouel? كل ما قلنا أيوة نعم في ثلاثة تمارينات لغد. اتصلنا بالإسعاف الهاتفية ليأخذه للطبيب. Par téléphone. Tu peux en dire hadifiyan, mais là il est en mieux pour préciser. Parce que tu as ça là, comme je dis à Daoud, À la base, ça peut avoir d'autres sens. Tu vois, le tissage, c'est pas forcément. Parce qu'à la base, c'est un mot d'avant, il n'y a pas de téléphone avant. Donc, tu peux dire, et tassal toubihi, masalan, kitabatan, par écrit. J'ai correspondu avec lui par écrit, par exemple. Et là, dans, dit, c'est faire un lien en fait, il t'en sort de faire un lien pour quelque chose. C'est pour que le secours le prenne et l'envoie ramène chez le médecin. Ah d'accord. L'ambulance ou voilà. Non, quand tu dis Sayrat al-Ishaf, c'est l'ambulance. Robama Radef, ça n'oppose Ikra ou Al-Nas. Kamilan. Parce qu'il croit tout ça, il est petit, et le dos aussi il est court. Il n'a pas d'Ikra lui. Donc on va les mettre ensemble, Inch'Allah. Des fois t'en as qui l'ont, des fois qui l'ont pas. Et quand on dit des fois Matah Hadath Azali, quand est-ce que c'est passé? Et je vous conseille pour, je pense que c'est Badradin. أن تراجعوا أحكام الأعداد من الكتاب الأول لمن قد درسها كالسولي كي أجاب خلي عيك دي شيف كتاب أول كي لغيز سأغني على بعض الكور وما أحب أن أفعل معكم كان أنكم ما تعلمون ولا شيء يجب أن تفكر سوسة يعاجدوا إن شاء الله وزي جاب خلي باز لا ستكون مراجعة دونك ريفيزي لي مانا كم سوزة بريباري طيب. Et puis l'accès du design, des choses qui ne sont pas dans le kitab awal. C'est pas contré parce que j'ai été pris. Et plus on passe rapidement pour s'en rappeler, pour pouvoir se centrer sur le nouveau. Inch'Allah. Vous voyez ? Non. Alors, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.